on peut comparer les évangiles à une merveilleuse broderie aux fils de diverses couleurs, admirablement tissés ensemble. Ils se complètent et s'harmonisent entre eux. Aussi nous faut-il aujourd'hui consulter à la fois les chapitres 3 de Matthieu et de Luc et les chapitres 1er de Marc et de Jean pour suivre le cheminement de Jean-Baptiste. Mes propos seront moins dirigés sur son ministère public que sur sa relation avec Jésus-Christ, son maître. Car Jean n'a pas été seulement le précurseur du Messie, il l'a vu, il s'est jeté à ses pieds pour l'honorer et l'adorer. Avant que Jésus ne commence son ministère en Palestine, il a tenu à se rendre auprès de Jean-Baptiste. Jésus était le cousin de Jean par Marie, sa mère, parente d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Une relation familiale dont Jean ne s'est pas prévalu, puisqu'il a d'emblée pris sa vraie place de serviteur devant le roi des rois. Il a même vivement réagi quand Jésus est venu à lui pour lui demander de le baptiser. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Matthieu 3, 14. Mais pourquoi Jésus voulait-il que Jean le baptise ? Le baptême de Jean donnait l'occasion à ceux qui se reconnaissaient coupables de témoigner publiquement de leur sincère repentance. Cependant, Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a commis aucun péché parce qu'il est parfait, n'avait pas à se repentir de quoi que ce soit. Pourquoi alors a-t-il insisté pour que Jean le baptise ? Jésus tenait à ce baptême pour montrer à quel point il s'identifiait aux foules qu'il était venu sauver. Ne s'est-il pas rendu semblable aux hommes ? Comme l'affirmera l'apôtre Paul plus tard. Il a voulu être homme parmi les hommes, et même le dernier d'entre eux, pour ensuite leur ouvrir l'accès auprès de Dieu le Père. Aussi Jésus a-t-il rassuré Jean en lui disant « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. L'évangile selon Luc fait bien ressortir que, par son baptême, Jésus s'identifiait à la foule. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Mais l'analogie s'arrête là. C'est alors que Dieu le Père a tenu à attester publiquement la divinité de son Fils et son amour envers lui. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Puis, aussi soudainement qu'il est venu, Jésus se retire au désert, où il sera tenté par le diable, alors que Jean continue d'accueillir sur les rives du Jourdain les Juifs repentants. Mais désormais, il leur parle de Jésus. « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean chapitre 1, versets 26 à 34. « J'ai vu, je ne suis pas digne. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste n'est pas seulement convaincu de l'origine divine de son cousin. Il sait que Jésus va commencer incessamment son ministère et désormais, il ne veut qu'une position d'arrière-plan. Il désire que les foules se détournent de lui pour s'approcher de Jésus. Jean-Baptiste, l'envoyé de Dieu, le précurseur annoncé par Ésaïe et par Malachie, le plus important de tous les prophètes, puisqu'il a été le seul d'entre eux à voir le Messie. Certes, Jean était grand aux yeux de Dieu. Jésus lui-même le confirmera plus tard. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, 11. Mais maintenant Jean, le plus grand des prophètes, ne cherche qu'à rentrer dans le rang et à s'abaisser. La seule place qui lui convienne, c'est d'être au pied du maître. Aux foules accourues au Jourdain, il déclare « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je ne suis pas digne de porter ses souliers, ou, comme nous le lisons dans les évangiles de Luc et de Jean, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oh, combien l'extrême humilité de Jean l'élève à nos yeux. Jamais l'homme n'est si grand que lorsqu'il est par terre. Jean est par terre, au niveau des sandales de son maître. Et à ce propos, l'évangile de Marc, qui est l'évangile du service des peignants Christ dans ses attributs de parfait serviteur, l'évangile selon Marc, donc, fait ressortir trois mots prononcés par Jean-Baptiste qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Marc 1, 7. En me baissant. Jean-Baptiste s'abaisse. Chers amis à l'écoute, nous avons, j'ai tant de peine à me baisser. Ah, je ne parle pas ici de nos courbatures ou de notre éventuelle raideur rhumatismale. Reconnaissons-le, nous avons tous, jeunes et aînés, tant de peine à nous abaisser et à prendre notre vraie place, la seule qui nous convienne devant Dieu, au pied du Maître. Même dans l'Église du Seigneur, tant d'hommes et de femmes se prennent tellement au sérieux qu'ils regardent les autres de haut. Que dis-je ? Que nous regardons notre prochain du haut de notre prétendue grandeur. En notre époque d'humanisme effronté, où l'homme se met à la place de Dieu, le chrétien se laisse trop souvent et parfois inconsciemment porter au pinacle de l'ambition par cet irrésistible courant ascendant que le Nouveau Testament appelle l'orgueil de la vie. Même dans l'Église, il est des fidèles, voire des conducteurs spirituels prêts à se battre entre eux pour sauvegarder leur position et leur fonction, ou encore arracher l'office qu'ils convoitent. Mais le Saint-Esprit en est contristé, la gloire de Dieu en est ternie, car chaque fois que l'homme se met en avant, il assombrit l'image de marque de son Seigneur. Dans l'histoire de l'Église, aucun mouvement de réveil authentique ne s'est jamais produit sans qu'il soit précédé d'un profond sentiment d'indignité. À quand donc les prières d'humiliation et de repentir au sein du peuple de Dieu ? Ah, il est plus facile de maintenir devant les hommes une vie de piété et un zèle religieux que de dire comme Jean-Baptiste « Je ne suis pas digne ». Accepterons-nous enfin de nous abaisser comme Jean-Baptiste et de devenir à la fois petits à nos yeux et les derniers devant ceux qui nous entourent ? Dès après sa rencontre avec Jésus, Jean a voulu détourner de lui l'attention des foules pour qu'elles ne regardent qu'à Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu le Messie revenir à lui, il a élevé la voix pour que tous entendent. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Et quand le lendemain, Jésus était encore là, Jean-Baptiste a répété « Voilà l'agneau de Dieu. » Jean 1, 36. Deux disciples de Jean-Baptiste se sont alors détachés de lui pour suivre Jésus. Et Jean n'a rien fait pour les retenir. Les deux disciples de Jean, dont l'un se nommait André, sont devenus ce jour-là disciples de Jésus. Puis André a parlé à son frère Simon-Pierre, qui, à son tour, a suivi Jésus. Et la fin du premier chapitre de l'Évangile selon Jean nous montre que, comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est propagée et que plusieurs Galiléens sont devenus disciples de Jésus. Jean-Baptiste a donc tout fait pour que les foules venues à lui se tournent vers Jésus. Il a accepté que ses propres disciples le quittent pour suivre Christ. Et lorsqu'un jour s'est engagée une controverse avec un juif sur la purification, il en a profité pour rendre un nouveau témoignage à Jésus. « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean 3, 28 à 30. Chers amis, appréciez-vous d'être le point de mire, le centre des conversations, celui ou celle qu'on consulte en priorité ? Telle n'était pas l'ambition de Jean-Baptiste. Lors d'une cérémonie de mariage, les époux sont le pôle d'attraction. Pour Jean, l'époux, c'est Jésus-Christ. Et l'épouse, ce sont ceux qui lui appartiennent et le suivront. Quant à lui, il se contente du rôle de l'ami de noces, chargé de préparer la fête et de tout faire pour que les époux soient honorés et que les invités soient heureux. Là est l'ambition de Jean-Baptiste. Il éprouve une grande joie parce que l'époux est là et qu'il peut entendre sa voix. Puis il certifie « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Toute la grandeur de Jean-Baptiste apparaît au travers de cette devise dont il a fait le mot d'ordre de sa carrière. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Or, après 20 siècles, cette devise, qui va à l'encontre des goûts et des modes du jour, devrait caractériser le chrétien dans sa relation avec Jésus. Elle devrait caractériser l'Église tout entière que le Seigneur convie à ses pieds pour l'adorer et le glorifier. Alors, voulons-nous accepter la voie que Jean-Baptiste nous trace et faire nôtre cette devise ? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que le Seigneur de Jean-Baptiste vous bénisse richement.